grand feuilleton de France Culture. Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 28e épisode, la maison de la mort. Le vieux Noirtier de Villefort, bien que paralysé et muet, a réussi à rendre impossible le mariage de sa petite fille Valentine avec le baron Franz d'Épinay. Il a, en effet, révélé qu'il avait, en 1815, tué en duel le père du jeune homme, le général Quesnel. De son côté, Albert de Morcerf se montre satisfait d'être supplanté chez les Danglars par celui qu'il croit être le prince Andrea Cavalcanti. Il est vrai qu'Albert n'était guère amoureux de la belle Eugénie, dont le père banquier continue de subir depuis quelque temps de sévères et mystérieux échecs financiers. Enfin, au cours d'une visite chez le comte de Monte Cristo, Albert a fait la connaissance d'Aïdée, la protégée du comte. La jeune fille lui a raconté comment son père, Pacha de Janina, a autrefois été trahi par un officier français dont elle ne semble plus se souvenir du nom et qui s'est emparé de sa fortune. Nous sommes le 27 juin 1838. Monsieur Noirtier, je n'ai pas besoin de vous apprendre que le mariage de Valentine est rompu, puisque cette rupture a eu lieu ici. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi, sa belle-mère, j'ai toujours été opposée à ce mariage. Et je viens vous prier, monsieur, comme la seule qui en ait le droit, car je suis la seule à qui il n'en reviendra rien, de rendre votre fortune à votre petite fille. Puis j'espérais que vos intentions était en harmonie avec la prière que je venais vous faire. Oui ? Oh, en ce cas, monsieur, je me retire à la fois reconnaissante et heureuse. Monsieur Noirtier de Villefort, il en sera fait selon votre désir. Le précédent testament sera détruit et un nouveau testament sera rédigé par mes soins indiquant que vous laissez toute votre fortune à votre petite-fille, Mademoiselle Valentine de Villefort, à la condition qu'on ne la sépare pas de vous. Vous aurez les documents ce soir même. Eh, savez-vous bien, l'ami, que cette petite Valentine de Villefort, en dépit de ce mariage rompu avec le baron Franz d'Épinay, demeure un fort beau parti, et même plus que jamais, pensait-on. Héritière du marquis et de la marquise de Saint-Méran, à présent qu'elle est rentrée dans les bonnes grâces de son grand-père Noirtier, elle aura un jour près de 300 000 livres de rente. Baron, depuis longtemps, nous tournons autour de nos paroles d'autrefois. Quelles paroles, monsieur le comte ? Oh, vous êtes formaliste, mon cher monsieur. Et vous me rappelez que le cérémonial doit se faire selon les rites. Bon, très bien. Pardonnez-moi, je n'ai qu'un fils. Et c'est la première fois que je songe à le marier. J'en suis encore à mon apprentissage. Et alors, monsieur le baron, j'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle Eugénie d'Anglars, votre fille, pour mon fils, le vicomte Albert de Morcerf. Monsieur le comte, avant de vous répondre, j'aurais besoin de réfléchir. De réfléchir? Mais voilà 8 ans que nous avons causé de ce mariage pour la première fois. Depuis quelques jours, de nouvelles circonstances. Ah, donc permettez. Vous avez vu monsieur de Monte-Cristo et vous lui avez dit que je semblais oublieux à l'endroit de ce mariage. C'est vrai. Bah, avez-vous aussitôt changé d'avis? Ou n'avez-vous provoqué ma demande que pour vous donner le plaisir de m'humilier? La bonne raison est difficile à donner. Disons que je suspends ma résolution. Vous n'avez pas la prétention, je suppose, de croire que je souscrive à vos caprices au point d'attendre tranquillement le retour de vos bonnes grâces. Si vous ne pouvez attendre, regardons nos projets comme non avenus. Oh, voyons, voyons, mon cher Danglars. Nous nous connaissons depuis de longues années. Allons, vous me devez une explication. Est-ce contre madame de Morcerf que vous avez quelque chose? Est-ce ma fortune qui n'est pas suffisante? Sont-ce mes opinions contraires aux vôtres? Rien de tout cela, monsieur. Non, ne cherchez plus. Prenons le terme moyen du délai, qui n'est ni une rupture ni un engagement. Rien ne presse, mon Dieu. Pendant notre halte, le temps marchera, il amènera les événements. Les choses qui paraissent obscures la veille sont parfois trop claires le lendemain. Parfois, ainsi en un jour, tombent les plus cruelles calomnies. Des calomnies? On me calomnie, moi? Comte, ne nous expliquons pas, vous dis-je. Alors il me faudra donc subir ce refus. Pénible surtout pour moi. Un mariage manqué fait toujours plus de tort à la fiancée qu'au fiancé. C'est bien, monsieur. N'en parlons plus. Pardonnez-moi de venir si tôt chez vous, mon cher comte, mais il y avait une certaine urgence. Je me bats aujourd'hui. Vous vous battez? À cause de quoi? À cause de l'honneur. Ah, ceci est sérieux. Et avec qui voulez-vous vous battre? Avec Beauchamp. Avec un de vos amis? C'est toujours avec des amis qu'on se bat. Mais que vous a-t-il fait? Il y a dans son journal d'hier soir un article. Tenez, lisez. On nous écrit de Janina. Un fait jusqu'alors ignoré, ou tout au moins inédit, est parvenu à notre connaissance. Les châteaux qui défendaient la ville ont été livrés aux Turcs par un officier français, dans lequel le vizir Ali Teblin avait mis toute sa confiance, et qui s'appelait Fernand. Mais que voyez-vous là-dedans qui vous choque? Mon père, le comte de Morcerf, s'appelle Fernand, de son nom de baptême. Ah. Et il servait Ali Pacha. C'est-à-dire qu'il combattait pour l'indépendance des Grecs. Voilà où est la calomnie. Mais mon cher vicomte, alors qui diable sait en France que l'officier Fernand est le même homme que le comte de Morcerf? Et qui s'occupe à cette heure de Janina qui a été prise en 1822 ou en 23, je crois? Voilà justement où est la perfidie. On a laissé passer là-dessus des années, puis aujourd'hui on revient sur des événements oubliés pour en faire sortir un scandale qui peut ternir une haute position. Eh bien moi, héritier du nom de mon père, je ne veux pas que sur ce nom flotte l'ombre d'un doute. Je vais envoyer à Beauchamp, dont le journal a publié cette note, 2 témoins, et il la rétractera. Mais Beauchamp ne rétractera rien, il vous répondra qu'il y avait peut-être dans l'armée grecque 50 officiers qui s'appelaient Fernand. Alors nous nous battrons, malgré cette réponse. Je veux que cela disparaisse. Mon père, un si noble soldat, une si illustre carrière. Êtes-vous inaccessible aux bons conseils? Non, quand ils viennent d'un ami. Bien. Alors avant d'envoyer vos témoins à Beauchamp, informez-vous. Auprès de qui? Mais je ne sais pas, moi. Tenez, auprès d'Aïdée, par exemple. Mais elle est une femme à tout cela. Que peut-elle y faire? Mais vous déclarez que votre père n'est pour rien dans la mort du sien. Ou vous éclairez sur ce sujet si, par hasard, votre père avait eu le malheur. Je vous ai déjà dit que je ne pouvais admettre une pareille supposition. Vous refusez donc ce moyen? Oui. Alors, un dernier conseil. N'envoyez pas de témoin à Beauchamp. Allez le trouver vous-même. C'est contre toutes mes habitudes. Écoutez, si Beauchamp est disposé à se rétracter, il faut lui laisser le mérite de la bonne volonté. Je crois que vous avez raison. J'irai seul. Mais si j'ai un duel, me servirez-vous de témoin? Mon cher vicomte, le service que vous me demandez là sort du cercle de ceux que je puis vous rendre. Pourquoi cela? Peut-être le saurez-vous un jour. Mais en attendant, je vous demande votre indulgence pour mon secret. C'est bien. Je prendrai France et Château Renaud. Adieu, comte. Adieu. Par ici, mon cher Albert. Qui diable vous amène? Beauchamp, c'est de votre journal que je viens vous parler. Ah. Je désire une rectification sur un fait qui porte atteinte à l'honneur d'un membre de ma famille. Oh, allons donc. Quel fait? À propos de Janina. Janina? Vous avez l'air d'ignorer de quoi il s'agit. Ah, sur mon honneur. Baptiste, un journal d'hier. Non, non, c'est inutile. Voici le mien. Cet article-là. Là. Ah. Tenez. On nous écrit de Janina. Un fait jusqu'alors ignoré, ou tout au moins inédit, est parvenu à notre connaissance. Les châteaux qui défendaient la ville ont été livrés aux Turcs par un officier français dans lequel le vizir Ali Teblin avait mis toute sa confiance et qui s'appelait Fernand. Ah. Eh bien, vous comprenez que le fait est grave. Cet officier est donc votre parent? Oui. Bon, que puis-je faire pour vous être agréable? Rétracter ce fait. Ah, c'est toujours une chose grave qu'une rétractation. On a insulté ma famille. Non, voyons, ne nous fâchons pas, ou du moins pas encore. Quel est ce parent qu'on appelle Fernand? C'est mon père, Monsieur Fernand Mondego, comte de Morcerf, un vieux militaire qui a vu 20 champs de bataille. Je conçois votre indignation, mon cher Albert, mais où voyez-vous que le Fernand du journal soit votre père? Nulle part, mais d'autres le verront. C'est pour cela que je veux que le fait soit démenti. Vous le démentirez, n'est-ce pas? Oui, quand je me serai assuré que le fait est faux. Comment? La chose vaut d'être éclaircie. Que voyez-vous donc à éclaircir dans tout cela? Si vous ne croyez pas que ce soit mon père, dites-le tout de suite. Si vous croyez que c'est lui, rendez-moi raison de cette opinion, monsieur. Monsieur, puisque monsieur il y a, si c'est pour me demander raison que vous êtes venu, il fallait le faire d'abord. Vous voulez que je démente le fait sur l'officier Fernand, fait auquel je n'ai, sur mon honneur, pris aucune part? Oui, je le veux. Sans quoi nous nous battrons? Oui. Oh, écoutez, c'est vous, par votre démarche, qui avez attiré mon attention sur ce fait. Il subsistera donc jusqu'à ce qu'il soit démenti ou confirmé par qui de droit? Je vais donc avoir l'honneur de vous envoyer mes témoins. Et ce soir, s'il vous plaît, ou demain au plus tard, nous nous rencontrerons. Non pas. Je serai sur le terrain quand il le faudra. Nous sommes à peu près de même force à l'épée et au pistolet. Je ne veux donc pas m'exposer à vous tuer ou à être tué moi-même sans cause. Je consens à me couper la gorge avec vous, mais je veux 3 semaines. Dans 3 semaines, vous me retrouverez pour vous dire « Oui, le fait est faux, je l'efface. » Ou bien « Oui, le fait est vrai. » Et nous nous battons. 3 semaines, mais c'est 3 siècles pendant lesquels je suis déshonoré. Si vous étiez resté mon ami, je vous aurais dit, patience, ami. Vous vous êtes fait mon ennemi, et je vous dis, que m'importe à moi, monsieur. Dans 3 semaines, soit. Mais alors, il n'y aura plus de délai qui puisse vous dispenser. Nous sommes le 28 du mois de juin, donc au 19 du mois de juillet. Bon, jusque-là, épargnons-nous les aboiements de 2 dogues enchaînés à distance. Monsieur. Maximilien, vous voilà enfin. Mais Barrois m'a dit que vous vouliez me voir d'urgence. C'est vrai. Merci, Barrois. Et prévenez-nous si quelqu'un vient. Il ne faudrait pas qu'on surprenne Monsieur Morel chez mon grand-père. Comptez sur moi, mademoiselle. Et comme vous avez chaud. Oh, c'est que j'ai bien couru. Allez, mademoiselle, en allant guérir Monsieur Morel. Mais je dois lui rendre cette justice que Monsieur Morel courait encore plus vite que moi. Vous devez avoir soif. Le fait est que je boirais volontiers un verre de la limonade de votre grand-père. Tenez, emportez la carafe. Allez boire et revenez dans un moment. Oh, merci, mademoiselle. Maximilien, mon bon papa Noirtier avait 1000 choses à vous dire que depuis 3 jours il m'a dites. J'écoute, Valentine. Mon grand-père veut quitter cette maison. Barois s'occupe de lui trouver un appartement convenable. Mais vous qui êtes si cher et si nécessaire à Monsieur Noirtier. Je ne le quitterai point, n'est-ce pas, bon papa? Mon appartement sera près du sien. Ou bien j'aurai le consentement de mon père pour aller habiter avec lui, ou bien il me le refusera. Dans le premier cas, je pars dès à présent. Dans le second, j'attendrai ma majorité qui arrive dans quelques mois. J'aurai alors une fortune indépendante. Une fois chez mon grand-père, vous pourrez venir me voir en présence de ce bon et digne protecteur. Et vous pourrez me demander en mariage. Je vous attendrai. Oh, qu'ai-je donc fait de bien dans ma vie pour mériter tant de bonheur, Valentine? Et jusque-là, nous respecterons les convenances, la volonté même de mon père, pourvu que cette volonté ne tente pas à nous séparer toujours. Et les sacrifices qui s'imposent, je vous jure de les accomplir, monsieur, non pas avec résignation, mais avec bonheur. Ainsi, Maximilien, plus d'imprudence. Midi. Et c'est samedi. Ce doit être le docteur d'Avrigny. Il va venir voir grand-père. Il faut que vous partiez, Maximilien. Barois ! Oui, mademoiselle. Barois va vous reconduire, monsieur l'officier. Qui a sonné ? À la voix, j'ai cru reconnaître monsieur le docteur d'Avrigny. Eh bien, qu'avez-vous, Barois ? Mademoiselle, oh... Il va tomber. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que je souffre. Je n'y vois presque plus. 1000 pointes de feu me traversent le crâne. Oh, mon Dieu! Oh, ne touchez pas. Ah, monsieur d'Avrigny! Alain! Au secours! Mon maître... Partez vite, Maximilien, par la petite porte. On va venir, il ne faut pas qu'on vous trouve ici. Attendez que je vous appelle ou que je vous écrive. Oui, vous avez raison. Que se passe-t-il? Père, c'est Barois. Docteur, venez vite! Qu'y a-t-il? Madame, votre flacon de sel, vite. Mais dites-moi, Valentine... Oh! Barois! Du ciel, Héloïse, où est le docteur? Mais c'est une apoplexie et une saignée le sauvera. A-t-il mangé depuis peu? Il n'a pas déjeuné, mais il a fort couru ce matin pour faire une commission dont l'avait chargé bon papa. Au retour seulement, il a pris un verre de limonade. Mais pourquoi pas du vin? C'est très mauvais, la limonade! La limonade était là, sous sa main, dans la carafe de grand-père. Barois avait soif. Il a bu ce qu'il a trouvé. Madame, où est le docteur d'Avrigny? Dans la chambre d'Edouard, qui est un petit peu souffrant. Docteur! Voilà les selles. Merci. Je remonte chez moi. On va le saigner. Je ne peux pas supporter la vue du sang. Tenez, docteur, le voilà. Il faut l'allonger, là. Là, sur cette chaise longue. Et qu'on m'apporte de l'eau et de l'éther. Dois-tu en avoir ici? Oui, voici. Merci. Que tout le monde se retire. Moi aussi? Oui, mademoiselle, vous surtout. Ah, le voici qui revient à lui. Bon, ce n'était qu'une attaque sans importance. Comment vous sentez-vous, Barois? Un peu mieux, monsieur. Et Pouvez-vous boire ce verre d'eau éthérée? Essayez. Mais ne me touchez pas. Il me semble que si vous me touchiez, l'accès me reprendrait. Voilà. Où souffrez-vous? Partout. J'éprouve d'effroyables crampes. Et j'ai des éblouissements. Et des tintements d'oreilles? Affreux. Quand cela vous a-t-il pris? Tout à l'heure. Hein? Et rien hier ni avant-hier? Rien. Et qu'avez-vous mangé aujourd'hui? Rien. J'ai bu seulement un verre de la limonade de monsieur. Où est cette limonade? Dans la carafe. À la cuisine. Voulez-vous que j'aille la chercher, docteur? Non, non, restez et tâchez de lui faire boire le reste de ce verre d'eau. Non, j'y vais moi-même. Est-ce bien cette carafe? Oui. Et cette limonade est la même que celle que vous avez bue? Je le crois. Quel goût lui avez-vous trouvé? Un goût amer. Oui, c'est bien la même. Et vous, monsieur Noirtier? En avez-vous bu aussi, de cette limonade? Oui. Et vous lui avez trouvé ce même goût amer? Ah oui. Oui. Alors, la preuve est faite. Monsieur le docteur, voilà que ça me reprend. Seigneur, ayez pitié de moi. Il faudrait pouvoir prévenir l'asphyxie, mais le moyen... Monsieur Noirtier, comment vous trouvez-vous? Bien? Oui. Et vous avez pris votre pilule comme chaque semaine? Oui. Oui. Bien. Est-ce Barrois qui a fait votre limonade? Ah oui. Barrois. Avez-vous apporté la limonade à votre maître aussitôt après l'avoir faite? Non. Je l'ai laissée à l'office. On m'appelait. Qui l'a apportée ici? Mademoiselle Valentine. Oh, grand Dieu. Docteur. Oh, j'ai la gorge qui se serre. J'étouffe. Oh, que l'enfer. Oh, mon Dieu. Ayez pitié de moi. Ah. Eh bien. Mort. Emmenons-le d'ici. Cela ne doit pas vous étonner. Monsieur et Madame de Saint-Méran sont morts tout aussi promptement. Oh, on meurt vite dans votre maison, Monsieur de Villefort. Mais quoi, vous en revenez à cette terrible idée? Elle ne m'a pas quitté un seul instant. Et pour que vous soyez bien convaincu que je ne me trompe pas, écoutez. Écoutez bien. Il y a un poison qui tue sans presque laisser de traces. Ce poison, je le connais bien, je l'ai étudié dans tous les accidents qu'il amène, dans tous les phénomènes qu'il produit. Ce poison, je l'ai reconnu tout à l'heure chez le pauvre Barrois, comme je l'avais reconnu chez Madame de Saint-Méran. Non. Si. Le malheureux Barrois a été empoisonné avec de la fausse angostura et de la noix de Saint-Ignace. Êtes-vous certain d'Avrigny? J'en répondrai devant les hommes et devant Dieu. La mort est dans ma maison. Dites le crime. D'Avrigny. Je crois qu'il est temps que nous agissions. Je ne me sens pas capable de porter plus longtemps de pareils secrets, sans espoir d'en faire sortir bientôt la vengeance pour la société et les victimes. Dans ma maison, vous soupçonnez quelqu'un? Cherche à qui le crime profite, dit un axiome de jurisprudence. Mais Barrois... Croyez-vous que ce soit à ce malheureux domestique qu'on en voulait? Non, il est mort pour un autre. C'était Noirtier qui devait boire la limonade. Et d'ailleurs, il l'a bu. Barrois ne l'a bu que par accident. C'est votre père qui devait mourir. Mais alors comment se fait-il que mon père n'ait pas succombé? Je vous l'ai déjà dit. Parce que son corps est fait à l'usage de ce poison même. Et parce que la dose insignifiante pour lui était mortelle pour tout autre. Mais de cela, l'assassin n'était pas informé. Mon Dieu. Suivez la marche du criminel. Il tue le marquis et la marquise de Saint-Méran. Double héritage à recueillir. Et monsieur Noirtier de Villefort refait il y a 2 jours son testament. Alors, de nouveau, la mort frappe. Grâce. Le médecin a une mission sacrée sur la terre. Quand le crime a été commis et que Dieu, épouvanté sans doute, détourne son regard du criminel, c'est au médecin de dire le voilà. Grâce pour ma fille. C'est vous qui l'avez nommé. Vous, son père. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 28e épisode, La Maison de la Mort. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Gérard de Villefort, André Oumanski. Héloïse de Villefort, Anne Deleuze. Maximilien Morel, Pierre Arditi. Albert de Morcerf, Richard Leduc. Le Baron d'Anglars, Alain Mottet. Valentine de Villefort, Marie-Hélène Breillat. Le Comte de Morcerf, Jean-François Calvé. Beauchamp, Philippe Mercier. Le Docteur d'Avrigny, Pierre Olivier. Le Notaire, Yves Pénaud. Le Clerc, Philippe de Rèze. Barrois, Pierre Riche. Monsieur Loirtier, Louis Amiel. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 19 novembre 1980. Vous pourrez le télécharger ainsi que les précédents sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Demain, à la même heure, la suite.